Bonjour, professeur Guillaume Mortamer. Vous êtes PUPH en réanimation pédiatrique au CHU de Grenoble. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la prise en charge du traumatisme cérébral chez l'enfant et ou le nouveau-né. Alors, première question, quelles sont les particularités du traumatisme crânien chez l'enfant et ou le nouveau-né? En ce qui concerne les principaux éléments de prise en charge, eh bien, sur le plan diagnostique, dans les traumatismes crâniens, qu'ils soient accidentels ou non accidentels, l'examen de référence et en première intention, c'est évidemment l'imagerie cérébrale avec le scanner qui est disponible rapidement. En revanche, il faut juste savoir qu'il existe un certain nombre de règles cliniques et de recommandations établies par un groupe qui s'appelle le PECARN, qui établit des situations dans lesquelles le scanner n'est pas nécessaire. Donc globalement, pour les traumas crâniens graves, il n'y a pas trop de doute, il faut le faire. Pour les traumas modérés également, mais dans certaines situations, si l'enfant ne présente pas de red flag important, on est tout à fait en mesure de ne pas faire d'imagerie cérébrale et surtout de surveiller, donner des consignes de surveillance aux parents. En ce qui concerne les traumatismes crâniens non accidentels, en général, le scanner initial il va se compléter par une IRM cérébrale pour aller identifier des signes qui sont pathognomoniques du secouement, avec des ruptures de veines pons notamment. On va compléter cette IRM par un fond d'œil qui va mettre en évidence des hémorragies rétiniennes qui font partie des critères diagnostiques du trauma crânien non accidentel. En termes de prise en charge, juste pour terminer sur le trauma crânien non accidentel, en général, il y a non seulement la prise en charge, on va dire, neurologique, neurochirurgicale, et puis après, il y a toute la prise en charge sociale qui en découle. Mais ça ne fait pas franchement l'objet des discussions qu'on a aujourd'hui. En ce qui concerne la prise en charge thérapeutique des traumatismes crâniens, eh bien, on va évidemment se baser sur une approche structurée type ABCD, et notamment en préhospitalier, où on va être particulièrement vigilant sur déjà imaginer les axos potentiels et donc assurer un certain maintien de la pression artérielle moyenne, intuber, ventiler le patient s'il présente des signes de gravité, et puis discuter l'osmothérapie, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc les objectifs de cette prise en charge, c'est à la fois limiter les lésions primaires, donc avec cette prise en charge neurochirurgicale s'il faut, mais toujours avoir l'idée qu'il faut maintenir le débit sanguin cérébral avec une bonne oxygénation et une tension artérielle pour l'âge qui est satisfaisante, voire un peu plus élevée que les normes classiques. Et puis le deuxième objectif de la prise en charge, c'est d'éviter les lésions secondaires en mettant beaucoup la priorité sur les axos. Donc ça, c'est particulièrement important. Les axos, hein, pour rappel, ils sont le fait d'avoir un taux d'hémoglobine correct, plus de 7 grammes, d'être normotherme, de ne pas avoir d'hypoxie, d'avoir des chiffres de natrémie entre 140 et 150, des chiffres de PCO2 entre 35 et 40 mm de mercure, et puis une glycémie considérée comme acceptable entre 7,5 et 10. Mais là encore, le fait d'avoir une bonne pression artérielle moyenne est un des éléments qui est extrêmement important pour limiter les lésions cérébrales secondaires. Ensuite, en ce qui concerne les autres éléments de la prise en charge, eh bien, il y a l'osmothérapie qui va permettre de diminuer la pression intracrânienne avec deux modalités, soit le mannitol, mais de plus en plus on suggère le sérum sali hypertonique en bolus et en continu. Donc en bolus 2 à 5 ml de SSH 3%. Sur 10 à 20 minutes, et puis en continu entre 0,1 ml/h de SSH 3% par exemple. Certaines équipes font du 7,5%, mais voilà, l'équivalent est de faire du SSH. Le mannitol, même s'il est largement utilisé, notamment en préhospitalier, il y a un niveau de preuve un petit peu plus faible et des variations volémiques plus importantes. Ensuite, sur le reste de la prise en charge, il y a évidemment la prise en charge neurochirurgicale que je ne détaille pas. Et puis, sachez que en dehors des axos et de la sédation-ventilation importante, eh bien, parfois on suggère une prophylaxie anticonvulsivante. En termes de sédation, on va plutôt éviter le propofol qui va diminuer la pression de perfusion cérébrale. Et on va plutôt choisir des molécules comme le midazolam et certains morphiniques. C'est suggéré de faire des barbituriques dans haute dose uniquement dans les HTIC réfractaires, mais c'est tout à fait débattu. En ce qui concerne la prise en charge neurochirurgicale, la craniectomie a une place qui est un peu controversée, mais qui est suggérée pour contrôler la pression intracrânienne et donc réservée s'il y a une HTIC réfractaire ou dans certaines situations. Et puis elle a un intérêt surtout si elle est réalisée précocement.

Enfin, toute cette prise en charge, elle découle des recommandations 2019 qui ont été établies par M. Kochanek et son équipe et sur lesquelles on se base pour discuter de tous ces éléments. Troisième question, quelles sont les principales complications et le pronostic du traumatisme crânien chez l'enfant et ou le nouveau-né? En ce qui concerne les complications et le pronostic du traumatisme crânien chez l'enfant et le nouveau-né, il n'y a pas de grosses complications différentes comparées à celles de chez l'adulte. De plus en plus, il y a de plus en plus de littérature sur les syndromes post-commotionnels, y compris pour les traumatismes crâniens légers à modérés, donc des conséquences et des séquelles qui sont parfois un peu difficiles à diagnostiquer plusieurs mois ou plusieurs années après un traumatisme crânien, avec parfois des signes comme uniquement les difficultés à se concentrer, l'irritabilité ou les maux de tête répétés ou les difficultés scolaires. Donc, faut être vigilant sur le long terme à ce syndrome, à bien dépister ce syndrome post-commotionnel et parfois orienter les enfants qui ont été victimes d'un traumatisme crânien vers des structures adaptées, un suivi neurologique adapté ou des équipes dédiées s'il en existe. Donc, en dehors des syndromes post-commotionnels, pas de grosses différences en termes de complications. La mortalité dans les traumatismes crâniens graves, elle est aux alentours de 5% chez l'enfant. Pas de grosses différences avec chez l'adulte. Et en termes de séquelles, pas de grosses différences non plus. On va enlever l'idée que les enfants ont un cerveau qui est capable de régénérer. Alors, c'est vrai et pas vrai, mais quand un traumatisme crânien survient chez un enfant qui est en plein développement, il peut avoir un impact extrêmement important sur ce développement-là et donc entraîner des séquelles particulièrement graves chez l'enfant. Donc l'enfant n'a pas un meilleur pronostic réellement que l'adulte, mais malgré tout, on est extrêmement prudent pour prendre des décisions éthiques trop précocement, puisqu'il y a une grosse difficulté à prédire le pronostic des patients qui ont un traumatisme crânien grave, et parfois avec peu de lésions, ils ont un devenir qui est assez sombre, et puis parfois avec des énormes lésions et un état clinique qui est très péjoratif initialement, et bien ils peuvent évoluer extrêmement bien. Donc on est plutôt prudent et on émet assez peu de limitations de thérapeutique précoce chez ces patients-là. Et puis en ce qui concerne en qualitatif, le type de séquelles, pas de grosse différence avec chez l'adulte. Il peut avoir évidemment des séquelles motrices sensitives, mais beaucoup cognitives ou comportementales. Merci, professeur Guillaume Montamer, de nous avoir parlé de la prise en charge du traumatisme cérébral chez l'enfant et ou le nouveau-né, qui est un sujet d'intérêt.